Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir de vous présenter la nouvelle collection de Rammstein. Ich muss sie wiedersehen, ich glaub, sie hat's geschafft.